Le combat. Les deux armées étant presque au contact l'une de l'autre, les passes d'armes commencèrent. Le premier combattant fut le porte-étendard des Quraychites, Talha ibn Abi Talha al-Abdari, qui était l'un des plus braves parmi les guerriers de son camp. Les musulmans le surnommaient le bélier du bataillon. Il s'avança sur un chameau et il défia les musulmans en combat singulier. Personne n'osa lui faire face à cause de sa réputation, mis à part Az-Zubayr ibn al-Awwam. Ce dernier ne laissa aucune chance au bélier, car il se rua sur lui tel un lion, sauta sur l'arrière de son chameau, le fit tomber à terre et le tua avec son épée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui observait ce remarquable combat, s'exclama « Allahu Akbar !» Allah est le plus grand. Et les musulmans s'écrièrent également « Allahu Akbar !» Il fit l'éloge d'Az-Zubayr en disant « Chaque prophète a un apôtre, et Az-Zubayr est mon apôtre. » L'affrontement général éclata peu après et les deux camps se livrèrent bataille avec acharnement. Le centre de la lutte était situé au niveau des porteurs de l'étendard Quraychite. Après la mort de leur chef, Talha ibn Abi Talha, les Banu Abd al-Dar se succédèrent l'un après l'autre dans cette tâche. Othman, le frère de Talha, se précipita en avant et saisit l'étendard qui se trouvait près du cadavre de celui-ci en s'écriant « Et porteur de l'étendard véritablement, celui qui en trempe le bois dans le sang ou périt. » Mais Hamza ibn Abd al-Muttalib l'attaqua et lui asséna un coup puissant qui le foudroya sur place. Le drapeau fut de nouveau brandi par Abu Sa'd ibn Abi Talha cette fois, mais Sa'd ibn Abi Waqqas le tua d'une flèche qui l'atteignit à la gorge. Dans une autre version, il est rapporté qu'Abu Sa'd leva l'étendard et mit les musulmans au défi de l'affronter. Ali ibn Abi Talib s'avança alors et ils échangèrent deux coups, puis Ali lui porta un coup fatal. Musafi ibn Talha ibn Abi Talha saisit alors l'étendard pour être tué à son tour d'une flèche tirée par Thabit ibn Abi al-Aqlah. Son frère Kilab hissa l'étendard, mais Az-Zubayr ibn al-Awwam l'attaqua et parvint à le tuer. Son frère Al-Julas lui succéda, mais Talha ibn Ubayd Allah le poignarda à mort. D'aucuns soutiennent que ce coup fatal lui aurait été porté par Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Ces six hommes tués à tour de rôle dans la défense de l'étendard du clan polythéiste appartenaient à une même famille, celle d'Abu Talha Abdullah ibn Uthman ibn Abd al-Dar. Un autre homme des Banu Abd al-Dar, appelé Arta'a ibn Shurahbil, assuma après eux la charge de brandir l'étendard, mais il fut tué par Ali ibn Abi Talib. Pour certains, il s'agissait de Hamza et non de Ali. Puis ce fut au tour de Shurayh ibn Qaridh, tué par Qazman, lequel était un hypocrite combattant seulement par esprit de clan, et non pour la cause de l'islam. Abu Zayd Amr ibn Abd al-Manaf al-Abdari lui succéda, mais Qazman le tua aussi. Un fils de Shurahbil ibn Hashim al-Abdari le brandit alors, mais il fut lui aussi tué par Qazman. 10 guerriers des Banu Abd al-Dar furent ainsi anéantis. Voyant qu'aucun des Abd al-Dar n'avait survécu, l'un de leurs esclaves, appelé Sawab, vint reprendre l'étendard. Il se révéla être d'une combativité et d'une bravoure supérieures à celle de ses maîtres. Il résista jusqu'à avoir la main tranchée. Il s'agenouilla alors et étreignit l'étendard, le serrant contre sa poitrine et son cou de peur qu'il ne tombe à terre. Il demeura ainsi jusqu'à sa mort, ne cessant de répéter « Oh mon Dieu, suis-je excusé ?» Après la mort de l'esclave Sawab, l'étendard tomba et resta à terre, car il n'y avait plus personne pour le brandir. Tandis que l'essentiel de l'action était concentré autour de la bannière de Quraysh, de rudes affrontements faisaient rage partout sur le champ de bataille. Une foi ardente rayonnait dans les rangs des musulmans, qui se ruaient sur les idolâtres semblables en cela à une vague destructrice, submergeant et brisant tous les barrages placés sur son chemin. Leur devise était « Tue, tue !» Abu Dujana, reconnaissable à son bandeau rouge noué autour de son front, s'avança avec l'épée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était déterminé à lui donner son droit coûte que coûte. Il tua tous les idolâtres à proximité de lui, fendant et dispersant leurs rangs. Az-Zubayr ibn al-Awwam a dit « Je m'étais senti frustré lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'avait refusé son épée pour la donner à Abu Dujana. Je m'étais dit à moi-même « Je suis le fils de Safiya, sa tante, membre de Quraysh. De plus, j'ai été le premier à la lui demander et pourtant il l'a favorisé par rapport à moi. » Par Allah, j'observerai de près comment il va l'utiliser. Ainsi je le suivis et je le vis ceindre son front de son bandeau rouge. Le voyant dans cet état, les Ansar dirent « Abu Dujana a mis le bandeau de la mort !» Puis il partit en disant d'une voix forte Je suis celui avec qui mon ami intime a passé un pacte lorsque nous étions sous les palmiers sur la pente de la montagne. À l'arrière, je ne dois combattre, mais à l'avant avec l'épée d'Allah et de son envoyé. » Tous ceux qui se trouvèrent face à lui furent tués. Il y avait un homme parmi les idolâtres dont le seul objectif était d'achever les musulmans blessés. Durant le combat, Abu Dujana se rapprocha de lui. J'implorai alors Allah pour qu'ils s'affrontassent. Ceci arriva et ils échangèrent deux coups d'épée. L'idolâtre chercha à frapper Abu Dujana, mais il esquiva le coup qui ne toucha que son bouclier en cuir. L'épée du mécréant restant coincée dans le bouclier, Abu Dujana le frappa avec l'épée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le tua. Dans le feu de l'action, il se précipita sur une personne qui ne cessait d'exhorter l'ennemi à combattre les musulmans afin de la mettre hors d'état de nuire. Mais en découvrant qu'il s'agissait d'une femme, Abu Dujana l'épargna en disant « Je respecte trop l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour m'en servir contre une femme. » Cette femme n'était autre que Hind bint Utba. Décrivant le même incident, Az-Zubayr ibn al-Awwam a également dit « Je vis Abu Dujana lever une épée au-dessus de la tête de Hind bint Utba, puis il la rabaissa. Je me suis alors dit à moi-même « Allah et son messager savent mieux. » C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait bien agi en donnant son épée à Abu Dujana plutôt qu'à lui-même. Hamza ibn Abd al-Muttalib accomplit des actes de bravoure inégalés alors qu'il était submergé d'ennemis. Sa ténacité engendra la consternation et la confusion chez les mécréants. Des hommes réputés courageux furent balayés tels des feuilles dispersées par un vent fort. En plus de sa contribution efficace à l'anéantissement de l'unité chargée de défendre l'étendard des négateurs, il se montra très brillant dans la lutte contre d'autres guerriers chevronnés et des cavaliers de renom. Il se battit jusqu'à la mort. Il ne fut pas tué en combat singulier, de la manière dont meurent les héros, mais lâchement mis à mort. Le meurtre du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Wahshi ibn Harb a décrit comment il avait tué Hamza. Il dit « J'étais alors un esclave de Jubair ibn Mut'im, dont l'oncle paternel Tu'ima ibn Adi avait été blessé à la bataille de Badr. Et lorsque les Quraishites marchèrent sur Uhud, Jubair me dit « Si tu tues Hamza, l'oncle de Muhammad, tu seras affranchi. » Je partis donc avec l'armée vers Uhud. J'étais un abyssin habile dans le maniement de la lance. Je ne manquais presque jamais ma cible. Quand les camps s'affrontèrent, je me mis en quête de Hamza. Je l'aperçus combattant au milieu des guerriers. Il était semblable à un chameau gris cendré, frappant durement ça et là avec son épée, sans que personne ne puisse lui résister. Par Allah, alors que je m'apprêtais à le transpercer de ma lance, tout en me dissimulant parfois derrière un arbre ou un rocher, en espérant le voir se rapprocher davantage, je vis Siba ibn Abd al-Uzza arriver près de lui. Quand Hamza fut face à lui, il dit « Viens ici, ô toi le fils de la coupeuse de clitoris !» car sa mère pratiquait l'excision. Et il lui asséna un coup fatal sur la tête. Alors je saisis ma lance et la secouai jusqu'à la sentir bien en main et je la projetai vers lui. Elle lui transperça le bas-ventre et ressortit entre ses jambes. Je n'ai retiré ma lance de ses entrailles qu'après sa mort. Puis je retournai au campement où je suis resté sans en sortir car j'avais accompli la mission pour laquelle j'étais venu. Je ne l'ai tué que pour acheter ma liberté. Et dès que je fus revenu à la Mecque, je devins un homme libre. Les musulmans contrôlent la situation. En dépit de la grande perte que représentait la mort du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, les musulmans parvinrent globalement à contrôler la situation. Ce jour-là, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Umair, Talha ibn Ubayd Allah, Abdullah ibn Jahsh, Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Rabi', Anas ibn Nadr et d'autres encore, radiyallahu anhum, combattirent avec un tel acharnement, une telle efficacité, qu'ils brisèrent la forte volonté des idolâtres et les dispersèrent. Hanzala al-Ghasil, le martyr lavé par les anges. L'un des braves de cette journée fut Hanzala al-Ghasil, de son véritable nom Hanzala ibn Abi Amir. Abu Amir, son père, fut surnommé par le prophète alayhi salatu wassalam al-Fasiq, le pervers. Hanzala venait de se marier et sa femme avait rejoint son domicile conjugal. Lorsqu'il eut entendu les cris d'appel à la guerre, il se dégagea de sa femme auprès de laquelle il était et sans s'accorder un délai, fit son chemin vers le djihad. Sur le champ de bataille, il se fraya un chemin à travers les rangs des idolâtres et aurait tué Abu Sofyan Sakhr ibn Harb, n'eût été l'intervention de Shaddad ibn al-Aswad qui le mit à mort avant qu'il ne puisse y parvenir. Les archers musulmans. La troupe des archers que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait placée sur la montagne parvint à influer favorablement sur l'évolution de la bataille. Les cavaliers mécois, commandés par Khalid ibn al-Walid, secondés par Abu Amir al-Fasiq, le pervers, avaient à trois reprises attaqué l'aile gauche de l'armée musulmane dans le but de l'écraser et d'infiltrer ensuite les lignes arrières pour créer la confusion et le désordre dans les rangs des musulmans pour enfin aboutir à leur sévère défaite. Mais ces trois tentatives échouèrent grâce à l'habileté des archers. Les choses se déroulèrent ainsi jusqu'à ce que les idolâtres décident de se retirer du champ de bataille, oubliant leur fierté et leur dignité blessée, tandis que leur étendard était foulé aux pieds sans qu'aucun homme courageux n'osât s'en approcher. Il semblait que les musulmans avaient été 30 000 et non 700 opposés aux 3 000 polythéistes. Ibn Ishaq a dit « Alors Allah accorda son secours aux musulmans et sa promesse envers eux se trouva vérifiée. Ils repoussèrent les idolâtres au-delà de leur campement. Ils ne faisaient aucun doute qu'ils étaient en train d'infliger une sévère défaite aux Mécois. Abdullah ibn Zubayr a rapporté que son père a dit « Par Allah, je voyais Hind bint Utba et ses amis fuyant leurs vêtements relevés. Personne n'aurait pu nous empêcher de les capturer. » Dans une autre version rapportée par Al-Bara ibn Azib et mentionnée dans le Sahih d'Al-Bukhari, il est dit « Lorsque nous les avons combattus, ils s'enfuirent. » et leurs femmes pouvaient être aperçues courant à travers les collines, les chevilles et les jambes découvertes. Les musulmans poursuivirent l'ennemi, tuant ceux qu'ils rattrapaient et ramassant le butin. L'erreur fatale commise par les archers musulmans. La petite armée musulmane était sur le point de remporter une seconde victoire éclatante sur les associateurs mécois, victoire qui aurait été comparable à celle de Badr. Mais la plupart des archers musulmans commirent une erreur fatale qui provoqua un retournement de situation ainsi que la mort de nombreux musulmans. Elle faillit même entraîner la mort du prophète alayhi salatu wassalam et elle laissa une très mauvaise impression qui ternit la réputation et le prestige que les musulmans avaient acquis à juste titre à l'issue de la bataille de Badr. Nous avons déjà évoqué les ordres clairs qui avaient été donnés aux archers de tenir leur position quoi qu'il arrive. En dépit de ces instructions strictes et de l'avertissement de leur chef Abdullah ibn Jubayr, 40 archers désertèrent leur poste, poussés en cela par les précoces cris de victoire ainsi que par leur avidité quant au butin. Les 9 autres, cependant, demeurèrent auprès de Abdullah pour obéir au prophète, alayhi salatu wassalam, attendant un ordre de départ et prêts à être éventuellement tués jusqu'au dernier sur leur position. Mais ce désistement rendit vulnérable la passe montagneuse. Khalid ibn al-Walid saisit cette opportunité pour faire volte-face et attaquer les arrières des musulmans afin d'encercler ces derniers. Anéantissant le groupe d'Ibn Jubayr, les cavaliers mécois se précipitèrent sur la base arrière des musulmans et ils poussèrent des cris pour signaler leur présence. Les autres polythéistes se retournèrent alors et contre-attaquèrent les musulmans. L'une de leurs femmes, qui s'appelait Umra bint Alqama al-Harithiya, se rua sur l'étendard gisant sur le sol, le ramassa et le brandit. Les idolâtres se regroupèrent alors autour de l'étendard et s'appelèrent les uns les autres jusqu'à réussir à encercler les musulmans. Ces derniers se trouvèrent alors piégés entre deux rouleaux compresseurs. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et un petit groupe de soldats, 9 au total, se trouvaient alors à l'arrière de l'armée. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, observait les opérations et exhortait les combattants musulmans à résister. Khalid et ses hommes arrivèrent à leur hauteur par surprise, obligeant le prophète alayhi salatu wassalam à choisir entre deux options. S'enfuir pour sauver sa vie et abandonner son armée à son triste sort, ou se lancer dans l'action au péril de sa vie afin de réunir ses compagnons autour de lui pour aller ensuite se frayer un chemin à travers les collines d'Uhud vers l'armée encerclée. Le génie du messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam ainsi que son courage sans égal lui firent choisir la seconde voie. Il s'écria à l'adresse de ses compagnons « Serviteur d'Allah !» en sachant bien que sa puissante voix serait entendue par les idolâtres avant d'être entendue par les musulmans. Il les appela au péril de sa vie dans cette situation délicate. Les idolâtres effectivement le reconnurent et arrivèrent à sa hauteur avant que les autres musulmans n'aient eu le temps de revenir. Cette dramatique situation d'encerclement des musulmans fit apparaître 3 catégories d'hommes parmi eux. Le premier groupe était composé de ceux qui étaient seulement préoccupés par eux-mêmes. et ils s'affolèrent à un point tel qu'ils prirent la fuite. Ils quittèrent le champ de bataille sans savoir ce qu'il était advenu des autres. Certains allèrent même jusqu'à Médine, d'autres grimpèrent dans la montagne. Le second groupe était composé de ceux qui retournèrent au combat, mais ils se trouvèrent tellement mélangés aux idolâtres qu'ils ne purent se reconnaître mutuellement. C'est pourquoi certains d'entre eux furent tués par erreur par leurs coreligionnaires. D'après Al-Bukhari, Aïcha radiallahu anha a dit « À la bataille d'Uhud, les idolâtres étaient en déroute lorsque Satan cria à l'adresse des musulmans « Ô serviteurs d'Allah, méfiez-vous de l'arrière », c'est-à-dire de l'ennemi venant derrière vous. Ainsi, ceux qui se trouvaient à l'avant se retournèrent et combattirent ceux qui étaient à l'arrière. C'est à ce moment que Hudhayfa aperçut son père, Al-Yaman, sur le point d'être tué par d'autres musulmans. Il s'écria « Ô serviteur d'Allah, c'est mon père, c'est mon père !» Mais ils ne le lâchèrent qu'après l'avoir tué. Hudhayfa dit alors « Puisse Allah vous pardonner !» Urwa a dit « Par Allah, Hudhayfa ne cessa jusqu'à sa mort de manifester de bons sentiments pour les auteurs du meurtre. » Des traditionnistes rapportent que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, proposa à Hudhayfa de lui payer le prix du sang de son père, mais il refusa et dit « Je fais aumône de son prix du sang aux musulmans. » Son mérite n'en fut que plus grand aux yeux du prophète, sallallahu alayhi wasallam. Ce groupe de musulmans souffrit de la confusion et du désordre. Beaucoup étaient perdus et ne savaient pas où aller. À cet instant tragique, ils entendirent quelqu'un dire « Muhammad a été tué !» Cette nouvelle faillit leur faire perdre la raison. Le moral de beaucoup d'entre eux s'effondra complètement ou presque. Certains cessèrent de se battre, se découragèrent et jetèrent leurs armes. D'autres envisagèrent de prendre contact avec Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, pour qu'il obtienne d'Abu Sufyan leur sécurité. Passant auprès d'eux et voyant qu'ils avaient jeté leurs armes, Anas ibn Nadr leur demanda « Qu'attendez-vous ? » Ils dirent « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été tué. Quelle est votre raison de vivre après lui ? Venez, mourez comme est mort l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Dieu, j'implore ton pardon pour ce que ces gens, ce groupe de musulmans, ont fait, et je jure que je hais ce que les idolâtres ont commis. » Puis il avança jusqu'à ce qu'il rencontre Sa'd ibn Mu'adh qui lui demanda « Où vas-tu, Abu Omar ?» Anas répondit « Ah, que le parfum du paradis est suave ! Je le sens venant de l'autre côté d'Uhud. » Puis il continua son chemin et combattit les idolâtres jusqu'à ce qu'il fût tué. Personne à part sa sœur ne put reconnaître son cadavre, tellement son corps avait été tranché et poignardé. Il avait en effet reçu plus de 80 coups d'épée, de lances et de flèches. C'est par l'extrémité de l'un de ses doigts qu'elle put l'identifier après la bataille. Thabit ibn Dahdah interpella les Médinois en disant « Ô peuple des Ansar, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tué, Allah est éternel et il ne meurt jamais. Combattez pour défendre votre religion. Allah vous soutiendra et vous serez victorieux. » Un groupe d'Ansar se joignit alors à lui. À leur tête, il attaqua le groupe de cavaliers de Khalid jusqu'à ce que ce dernier le tue à lui et ses compagnons Ansar. Un muhajir vint à passer près d'un Ansar qui était maculé de sang. Il dit « Ô compagnon, « as-tu entendu parler du meurtre de Muhammad, alayhi salatu wassalam ?» L'Ansar répondit « S'il a été tué, c'est qu'il doit avoir accompli sa mission. Combattez donc pour votre religion. » Avec de tels encouragements et une telle ferveur, les musulmans ne tardèrent pas à recouvrer la raison et ils abandonnèrent l'idée de se rendre et de rencontrer l'hypocrite Abdullah ibn Ubay. Ils reprirent les armes et se mirent de nouveau à combattre en vue de rejoindre le prophète, alayhi salatu wassalam, après que la nouvelle de sa mort fut démentie. Cela les galvanisa et les aida à rompre le blocus militaire afin de placer leurs forces en un endroit sûr d'où ils pourraient lancer une contre-attaque contre les polythéistes. Enfin, le troisième groupe était constitué par ceux dont la seule priorité était la sauvegarde du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À leur tête, il y avait d'illustres compagnons tels qu'Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et d'autres, radiyallahu anhum, qui se hâtèrent de protéger le prophète alayhi salatu wassalam, faisant preuve d'un dévouement sans pareil. Tandis que ces groupes de musulmans recevaient les coups des idolâtres et résistaient farouchement, s'engagea une lutte implacable autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui n'avait que 9 défenseurs autour de lui. Nous avons mentionné plus haut que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait appelé les musulmans « Venez à moi, je suis le messager d'Allah, Les idolâtres avaient entendu sa voix, l'avaient reconnu, et ils étaient venus l'attaquer avant qu'aucun des musulmans sur le champ de bataille n'ait pu venir à sa rescousse. Entre les neuf musulmans et les idolâtres s'engagea alors un combat violent au cours duquel les musulmans manifestèrent des sentiments d'amour et un esprit de sacrifice hors du commun afin de sauver le prophète alayhi salatu wassalam. Muslim a rapporté, d'après Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouva pris au piège avec sept ansar et deux muhajirun quand les idolâtres l'attaquèrent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment « Celui qui les repousse aura le paradis » ou « Il sera mon compagnon au paradis ». L'un des ansar s'avança et défendit le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il fût tué. Puis les associateurs attaquèrent de nouveau le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le même processus se répéta jusqu'à ce que les sept ansar eurent tous trouvé la mort. Alors le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit à ses deux compagnons Quraishites, « Nous n'avons pas rendu justice à nos compagnons. » Le dernier des ansar était Umara ibn Yazid ibn Sakan, qui combattit jusqu'à sa mort, succombant à ses blessures. Le moment le plus difficile dans la vie du messager, alayhi salatu wassalam. Après la mort de Umara, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam resta seul avec deux compagnons quraishites. Dans une version rapportée d'après Abu Uthman et mentionnée par Al-Bukhari et Muslim, nous lisons « À cette heure, il ne resta plus personne auprès du prophète alayhi salatu wassalam, excepté Talha ibn Ubaidullah et Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce fut l'heure la plus difficile pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce fut une occasion inespérée pour les idolâtres. » Ils en profitèrent immédiatement et concentrèrent leurs attaques sur le prophète alayhi salatu wassalam, cherchant à le tuer. Utba ibn Abi Waqqas lui jeta des pierres et l'une d'elles l'atteignit au visage. Son incisive inférieure droite se trouva alors brisée et sa lèvre inférieure blessée. Il fut aussi attaqué par Abdullah ibn Shihab az-Zuhri qui le blessa au front. Abdullah ibn Qami'a, qui était un cavalier violent, le frappa brutalement à l'épaule avec son épée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en souffrit durant plus d'un mois. Son coup ne fut cependant pas suffisamment puissant pour venir à bout des deux cottes de mailles que le prophète alayhi salatu wassalam portait. Il lui asséna ensuite au visage, sur l'une de ses joues, un coup aussi terrible que le premier, au point que le casque du prophète alayhi salatu wassalam s'enfonça dans la joue. « Prends cela de ma part, je suis le fils de Qami'a !» lui dit-il tout en le frappant. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit tout en essuyant le sang qui lui coulait du visage, « Puisse Allah t'humilier !» Allah exauça son envoyé alayhi salatu wassalam. Selon Ibn A'id, un jour, Ibn Qami'a rejoignit le sommet d'une montagne où paissait son troupeau de moutons. Un bouc l'attaqua, le précipita du haut de la montagne, causant ainsi sa mort. At-Tabarani, quant à lui, rapporte qu'Allah envoya contre lui un bouc sauvage qui ne cessa de lui donner des coups de corne jusqu'à le tailler en pièces. Dans son Sahih, Al-Bukhari a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam eut une incisive brisée et la tête blessée et qu'il commença à essuyer son sang en disant « Comment un peuple qui blesse le visage de son prophète et lui brise une dent alors qu'il les appelle à adorer Allah peut-il récolter le succès ?» Allah révéla à ce sujet le verset suivant. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Tu n'as, Muhammad, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il, Allah, accepte leur repentir en embrassant l'islam ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Sourate 3, verset 128, selon le sens du verset. Dans la version que rapporte At-Tabarani, le prophète alayhi salatu wassalam dit ce jour-là « Allah est très en colère contre un peuple qui blesse le visage de son messager. » Après un instant de silence, il dit « Ô mon Dieu, pardonne à mon peuple car il ne sait pas. » Dans le Sahih de Muslim, il est souligné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wasallam a dit « Ô mon Seigneur, pardonne à mon peuple car il ne sait pas. » Dans Ash-Shifa, Al-Qadi Iyad a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ô mon Dieu, guide mon peuple car il ne sait pas. » Il ne fait aucun doute que les idolâtres voulaient la mort du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, mais ses deux compagnons Quraishites, Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaidillah, firent preuve d'un héroïsme exceptionnel, combattirent avec un courage sans pareil et purent à eux deux tenir en échec les polythéistes. Comptant parmi les meilleurs archers arabes, ils luttèrent ensemble jusqu'à éloigner le groupe d'idolâtres du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, vida son carquois de ses flèches et dit à Sa'd ibn Abi Waqas, « Tire, puissent mon père et ma mère te servir de rançon. » Ces propos attestent de la compétence de Sa'd en la matière. An-Nasa'i y rapporte, d'après Jabir, que lorsque le groupe de polythéistes cerna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'une poignée de ses compagnons médinois, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam dit « Qui se chargera de repousser ces gens ?» Talha dit « Moi ». Jabir relatant ensuite comment les Ansar furent l'un après l'autre tués. C'est alors que Talha s'avança et combattit comme 11 hommes jusqu'à ce qu'il fût blessé à la main et que ses doigts furent coupés. Talha dit « Très bien ». Le prophète alayhi salatu wassalam lui fit remarquer « Si tu avais dit Bismillah, au nom d'Allah, les anges t'auraient élevé devant les yeux des gens. » Jabir poursuit « Puis Allah renvoya les polythéistes. » Dans son livre Al-Iqlil, Al-Hakim mentionne que Talha avait le jour d'Uhud eu 35 ou 39 blessures et que son index et son majeur en furent paralysés. Dans une version d'Al-Bukhari, d'après Qais ibn Hazim, nous lisons « J'ai vu la main de Talha paralysée, cette main même avec laquelle il protégea le prophète alayhi salatu wassalam le jour d'Uhud. Que celui qui désire voir marcher sur terre un martyr regarde Talha ibn Ubaidillah. Abu Daoud At-Tayalisi a rapporté d'après Aisha radiyallahu anha, chaque fois qu'il évoquait le jour d'Uhud, Abu Bakr disait « C'était le jour de Talha ». Rendant hommage à la bravoure de Talha, Abu Bakr, radiyallahu anhu, composa les vers suivants. Ô Talha ibn Ubaidillah, à toi les jardins, à toi les houris aux yeux de gazelle. Dans ces instants difficiles, Allah fit descendre son soutien. C'est ce que confirme le récit rapporté dans les deux Sahihs d'après Sa'd. J'ai vu deux hommes, tous de blanc vêtus, qui défendaient avec acharnement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne les avais jamais vus auparavant et ne les revis plus par la suite. Dans une autre version, il est souligné qu'il s'agissait des anges Djibril, Gabriel et Mikaïl. Tous ces événements se produisirent en peu de temps, car dès qu'ils se rendirent compte de l'évolution de la situation et entendirent l'appel du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, les élus parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wassalam, qui se trouvaient aux premières lignes, accoururent pour lui porter secours. Ils arrivèrent malheureusement après que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut blessé. 6 des Ansar, le défendant, avaient trouvé la mort, un 7e était immobilisé par ses blessures et Sa'd et Talha luttaient farouchement. Dès qu'ils arrivèrent, ils formèrent un cercle autour du prophète alayhi salatu wassalam, le protégeant de leur corps et de leurs armes. Ils le protégèrent contre les attaques de l'ennemi et repoussèrent ce dernier avec un courage inouï. Le premier à être revenu auprès de lui fut son compagnon de la grotte de Thawr, Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu. Dans son Sahih, Ibn Hibban rapporte d'après Aisha radiyallahu anha ses propos. Abu Bakr as-Siddiq a dit « Le jour d'Uhud, alors que le prophète alayhi salatu wassalam était resté seul, je fus le premier à revenir à ses côtés. Un combattant le protégeait de son arme, je me dis « Sois Talha, puisse mon père et ma mère te servir de rançon. » Aussi vif qu'un oiseau, Abu Ubaida ibn al-Jarrah ne tarda pas à me rejoindre. Nous nous précipitâmes vers le prophète alayhi salatu wassalam, Talha gisait sur le sol devant lui. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Occupez-vous de votre frère, il a mérité le paradis. » Voyant que deux des anneaux du casque du prophète alayhi salatu wassalam lui étaient rentrés dans la joue, je voulus les retirer, mais Abu Ubaida me supplia de le laisser faire. Craignant de faire mal au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il se saisit de l'anneau de sa bouche et se mit à l'extraire au point qu'une de ses incisives tomba. Je m'avançai pour retirer le second anneau, mais Abu Ubaida me supplia une nouvelle fois. « Oh Abu Bakr, par Allah, laisse-moi faire !» Il se mit alors à remuer l'anneau avec ses dents jusqu'à le retirer. Il y laissa une seconde incisive. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Occupez-vous de votre frère, il a mérité le paradis. » Nous nous tournâmes alors vers Talha pour le soigner. Son corps présentait une 15aine de plaies. L'état de Talha témoignait du courage et de la combativité dont il avait fait preuve ce jour-là. Durant ces instants cruciaux, un groupe de héros musulmans se rassembla autour du prophète, alayhi salatu wassalam, lui servant ainsi de bouclier contre les attaques des idolâtres. Il y avait parmi eux Abu Jujana, Mus'ab ibn Umair, Ali ibn Abi Talib, Sahl ibn Hanif, Malik ibn Sinan, père d'Abu Sa'id al-Khudri, Umara Nasiba bint Ka'b al-Maziniya, Qatada ibn Nu'man, Omar ibn al-Khattab, Hatib ibn Abi Balta'a et Abu Talha. Le nombre des associateurs ne cessait d'augmenter, et leurs assauts se faisaient toujours plus pressants au point que l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam tomba dans l'un des trous creusés par Abu Amir al-Fasiq. Son genou fut endolori. Ali le prit par la main et Talha ibn Ubaidillah l'aida à se relever. Nafir ibn Jubair a dit « J'ai entendu un muhajir dire « J'ai assisté à la bataille d'Uhud et j'ai vu les flèches fuser de toutes parts en direction de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aucune d'elles ne l'atteignit. » Abdullah ibn Shihab az-Zuhri disait le jour d'Uhud « Montrez-moi Muhammad, par Allah puissé-je trouver la mort si je ne le tue pas. » L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut près de lui, sans défense, mais il ne le vit pas. Safwan, un autre polythéiste, le blâma pour ne pas avoir concrétisé son serment. Mais Abdullah lui dit « Par Allah, je ne l'ai pas vu. Par Allah, il est protégé. » Il dit également que quatre autres idolâtres qui avaient juré de tuer le prophète alayhi salatu wassalam n'y arrivèrent pas. Les musulmans firent preuve d'un héroïsme et de sacrifices inconnus dans toute l'histoire. Abu Talha protégeait le prophète alayhi salatu wassalam de son corps. Anas a dit « Lorsque le jour d'Uhud, tout le monde avait abandonné le prophète alayhi salatu wassalam, Talha se tint devant lui, le protégeant avec un bouclier de peau. Abu Talha était un archer qui déployait une telle vigueur à bander son arc que ce jour-là il en brisa deux ou trois. Chaque fois qu'un homme passait avec un carquois plein de flèches, le prophète alayhi salatu wassalam lui disait « Donne ton carquois à Abu Talha ». Le prophète alayhi salatu wassalam se haussait pour voir les combattants et Abu Talha lui disait « Je t'en conjure, toi pour qui je donnerai en rançon mon père et ma mère, ne te lève pas, car tu pourrais être atteint par une des flèches lancées par les combattants. Baisse-toi pour que ma poitrine protège la tienne. » Toujours d'après Anas, Abu Talha et le prophète alayhi salatu wassalam s'abritaient derrière un même bouclier. Or Abu Talha était habile au tir à l'arc, et lorsqu'il visait, le prophète alayhi salatu wassalam se haussait pour voir par-dessus le bouclier l'endroit qu'atteignait la flèche. Abu Jujana se tint devant l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et le protégea par son dos contre les flèches. Les flèches qui l'atteignirent ne réussirent pas à entamer sa résistance. De son côté, Hatib ibn Balta'a poursuivit Utba ibn Abi Waqas qui avait brisé une incisive du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui asséna un coup de sabre qui lui trancha la tête et s'empara de sa jument et de son épée. Sa'd ibn Abi Waqas désirait vivement tuer son frère, mais il ne put l'atteindre et ce fut Hatib qui le tua. Sahl ibn Hanif, un archer valeureux qui avait fait le serment de mourir pour la cause d'Allah, a joué lui aussi un rôle efficace lorsqu'il a fallu repousser les assaillants associateurs. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même participa au tir de flèche. Selon Qatada ibn Nu'man, il tira tellement de flèches que les deux extrémités de son arme se trouvèrent brisées. Qatada fut ce jour-là touché à l'œil. Celui-ci pendit sur ses joues, mais le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le replaça avec sa main dans son orbite et cet œil devint depuis le meilleur de ses deux yeux. Abdurrahman ibn Auf combattait ce jour-là jusqu'à ce qu'il eut les dents de devant brisées. 20 blessures voire plus endommagèrent son corps, dont certaines à la jambe, ce qui le rendit boiteux. Malik ibn Sinan, le père d'Abu Sa'id al-Khudri, suça le sang qui coulait de la joue blessée du prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il l'eût totalement nettoyé. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Crache ce sang !» Mais il répondit « Par Allah, jamais je ne le cracherai !» Puis il repartit au combat. Le prophète sallallahu alayhi wassalam dit alors « Celui qui veut voir un homme du paradis, qu'il regarde celui-ci. » Et à peine s'engagea-t-il dans le combat, qu'il tomba martyr. Umara participa également à la bataille. Elle se trouva face à face avec Ibn Qamira. Celui-ci lui asséna un coup à l'épaule. Elle réussit cependant à le toucher à plusieurs reprises avec son sabre, mais ses deux côtes de maille lui sauvèrent la vie. Elle continua à se battre jusqu'à ce qu'elle reçût 12 blessures. Mus'ab ibn Umair, à son tour, défendit farouchement le prophète alayhi salatu wassalam contre les assauts d'Ibn Qamira et de ses acolytes. Il portait l'étendard de la main droite. Lors de la mêlée, on la lui trancha, il se servit de sa main gauche jusqu'à ce qu'elle fût aussi amputée. Il appuya alors l'étendard contre son cou et sa poitrine jusqu'au moment où Ibn Qamira le tua, le prenant pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car il lui ressemblait. Ibn Qamira s'en retourna auprès des associateurs pour leur porter la nouvelle de la mort de celui qu'il avait pris pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant « Muhammad a été tué !» La nouvelle de la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se répand. Les cris de joie d'Ibn Qamira provoquèrent la consternation et l'abattement des compagnons. La confusion et le désordre commencèrent à gagner leur rang, mais paradoxalement, ces mêmes cris allégèrent quelque peu les attaques des associateurs qui crurent avoir ainsi atteint leur objectif ultime, et beaucoup d'entre eux se mirent dès lors à mutiler les martyrs musulmans. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, poursuit le combat et sauve la situation. À la mort de Mus'ab, l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, confia l'étendard à Ali ibn Abi Talib. Ce dernier, à l'instar des autres compagnons entourant le prophète, sallallahu alayhi wasallam, combattit avec une violence inouïe. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, put alors se frayer un chemin vers son armée qui était encerclée. Ka'b ibn Malik, qui fut le premier à le reconnaître, cria aussi fort que possible « Ô vous autres musulmans, réjouissez-vous, voici venir à vous le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, lui fit signe de se taire de peur que les idolâtres ne parviennent à le localiser. Entendant cette heureuse nouvelle, presque 30 compagnons purent le rejoindre. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, entama alors une retraite ordonnée en direction des collines d'Uhud. Les combats s'intensifièrent pour faire échouer la retraite des musulmans, mais vainement. Othman ibn Abdillah ibn al-Mughira, l'un des cavaliers du camp associateur, s'avança vers le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en criant « Puissais-je périr si tu m'échappes ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, se leva pour l'affronter, mais la jument de Othman trébucha et ce fut Al-Harith ibn Samma qui le combattit, le frappant à la jambe et l'estropiant. Il l'acheva et prit son arme avant de rejoindre l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam. Un peu plus tard, un autre cavalier mécois, Abdullah ibn Jabir, se jeta sur Al-Harith ibn Samma, le blessant à l'épaule. Les musulmans le portèrent alors qu'Abu Jujana se précipita sur Abdullah ibn Jabir et lui asséna un coup de sabre qui le décapita. Durant cette lutte amère, Allah enveloppait les musulmans de sommeil comme d'une sécurité de sa part, selon les termes même du Coran. Abu Talha a dit « Je fus un de ceux que le sommeil gagna le jour d'Uhud ». Mon épée tomba de ma main à plusieurs reprises. Chaque fois qu'elle tombait, je la ramassais. Les musulmans effectuèrent une retraite finale pour profiter de la protection naturelle que constituait la montagne d'Uhud. Petit à petit, toute l'armée gagna cette position sûre. Ainsi, le génie de l'envoyé d'Allah, Muhammad, alayhi salatu wassalam, contrecarra celui de Khalid ibn al-Walid. Ibn Ishaq a rapporté que lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, escalada la pente, il fut suivi par Ubay ibn Khalaf qui ne cessait de répéter « Où est Muhammad que je périsse s'il m'échappe ?» Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent « Ô messager d'Allah, permets-tu à l'un d'entre nous de le combattre ?» Il leur dit « Laissez-le. » Et quand il se rapprocha, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam saisit la lance d'Al-Harith ibn Samma et se dégageant d'entre ses compagnons, fit face à Ubay qu'il toucha en visant une faille au niveau de sa côte de maille. L'impact du coup le fit rouler à terre plusieurs fois. Lorsqu'il revint parmi les Quraychites, il lui fit remarquer qu'il n'avait qu'une petite égratignure au cou. Quand son sang devint congestionné, il dit « Par Allah, Muhammad m'a tué !» L'entendant dire cela, ils lui dirent « Par Allah, tu as peur de la mort, ta blessure n'est pas grave !» Il répondit « Il m'avait déjà dit quand nous étions à la Mecque, je te tuerais. Par Allah, même s'il m'avait craché dessus, il m'aurait tué !» Finalement, l'ennemi d'Allah rendit son dernier soupir à Sarf sur le chemin de la Mecque. Dans une autre version transmise par Abul Aswad d'après Urwa, il est dit « Il mugissait comme un taureau et répétait ceci « Par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, si les douleurs que je ressens étaient réparties entre les gens de Dhul-Majaz, ils en mourraient tous. » Lors du repli vers la montagne d'Uhud, un rocher imposant bloqua la progression du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Ce dernier tenta de l'escalader, mais sa corpulence ajoutée au poids de ses côtes de maille ainsi que ses blessures l'en empêchèrent. Immédiatement, Talha ibn Ubaydillah s'assit dans une position qui permit au prophète, alayhi salatu wassalam, de se dresser sur son dos, puis il le souleva jusqu'à ce qu'il eût escaladé le rocher. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit alors, « Talha a mérité le paradis. » Lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, atteignit le flanc de la montagne, les idolâtres lancèrent leur ultime attaque contre les musulmans. Ibn Ishaq a rapporté, « Tandis que le prophète, alayhi salatu wassalam, progressait vers la montagne, un groupe de Quraishites composé d'excellents guerriers avec à leur tête Khalid ibn al-Walid et Abu Sufyan les poursuivit. L'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, implora alors son Seigneur en disant « Ô mon Dieu, fais en sorte qu'ils ne se trouvent pas plus haut que nous. » C'est-à-dire, fais en sorte que les idolâtres ne se trouvent pas plus haut que nous les musulmans, que ce soit en position ou en puissance. Omar ibn al-Khattab et d'autres muhajiroun luttèrent contre ces mécréants jusqu'à ce qu'ils les eurent refoulés au pied de la montagne. Dans Maraz il-Amawi, nous lisons que les idolâtres parvinrent à escalader la montagne. Alors le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Sa'd, « Chasse-les !» Mais il répondit, « Comment le pourrais-je tout seul ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, répéta la même phrase trois fois de suite. Sa'd sortit alors une flèche de son carquois, il la tira en direction de l'un des idolâtres et le tua. Il dit, « Puis je la repris deux fois de suite, tuant chaque fois un homme. » Après cela, les autres associateurs retournèrent en bas de la montagne. Je me suis dit à ce moment, « Ce doit être une flèche bénie. » Et je la remis dans mon carquois. Il conserva cette flèche jusqu'à sa mort. Et ses enfants la gardèrent également précieusement avec eux. La mutilation des martyrs. Ce fut là le dernier assaut des polythéistes contre le prophète, alayhi salatu wassalam. Étant presque certain de sa mort, les idolâtres retournèrent à leur campement et commencèrent leurs préparatifs en vue de retourner à la Mecque. Certains parmi eux se mirent à mutiler les cadavres des musulmans, ce que firent également leurs épouses. Et c'est ainsi que le nez, les oreilles et les parties génitales des martyrs furent tranchées. Même leurs ventres furent ouverts. Hind bint Utba, par exemple, ouvrit le foie de Hamza et en mâcha des morceaux, mais ne pouvant les avaler, elle les recracha. Elle fabriqua même des bracelets et des colliers avec les oreilles et les nez des martyrs musulmans. Durant les dernières heures du combat, deux événements se produisirent, très révélateurs du degré de sacrifice auquel étaient prêts les musulmans dans la voie d'Allah. Le premier est rapporté par Ka'b ibn Malik qui a dit « J'étais parmi les musulmans qui combattirent à Uhud et qui furent témoins de la barbarie des polythéistes envers les dépouilles des musulmans, mais je m'éloignais car je trouvais cela insupportable. » Puis je vis un mécréant robuste et bien armé passer parmi les morts musulmans et dire « Rassemblez-les et disposez-les de la même manière que les moutons que l'on s'apprête à égorger. » C'est alors que je vis un musulman portant une cuirasse qui l'attendait. Je marchai jusqu'à me trouver derrière lui et comparant les deux hommes, je fus persuadé que le mécréant était plus fort que le musulman. Je continuai à les observer jusqu'à ce qu'ils s'affrontèrent en combat singulier. Le musulman enfonça son sabre dans le corps de l'idolâtre d'une façon telle qu'il lui coupa l'une de ses hanches en deux. Quand je pus voir le visage du musulman, celui-ci dit « Qu'en dis-tu, Ka'b ? Je suis Abu Dujana !» Le deuxième fait démontre l'investissement et la participation des femmes à la guerre. En effet, certaines femmes musulmanes se rendirent sur le champ de bataille une fois que les combats avaient cessé. Anas a dit « Je vis Aisha bint Abi Bakr, radiallahu anha, qui étaient aux côtés d'Umm Sulaym. Leurs vêtements étaient soulevés si bien que je pouvais apercevoir les bracelets de leurs jambes. Elles portaient des outres d'eau sur leurs épaules et donnaient à boire aux blessés. Puis elles retournaient les remplir avant de revenir effectuer la même tâche. Omar a dit « Umm Sulayt nous rapporta de l'eau dans les outres le jour d'Uhud. » Quand Umm Ayman vit des combattants musulmans qui fuyaient le combat, elle se mit à lancer sur certains d'entre eux de la poussière au visage et dit à l'un d'eux en guise de reproche « Voici un rouet de quoi filer la laine. Prenez-le et donnez-moi votre épée. » Puis elle se précipita vers le champ de bataille où elle donna à boire aux blessés. Hibban ibn al-Arqa tira une flèche qui la toucha. Elle s'effondra et ses vêtements se soulevèrent. Voyant cela, l'ennemi d'Allah éclata de rire. Cette situation causa de la peine au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il tendit à Sa'd ibn Abi Waqas une flèche dépourvue de pointe en lui demandant de la tirer vers l'idolâtre. Cette flèche transperça la gorge du mécréant. Celui-ci tomba et ses parties intimes se trouvèrent exposées au regard. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se mit alors à rire au point que ses molaires furent visibles. Et il dit « Sa'd a vengé Ayman, qu'Allah exauce ses invocations », c'est-à-dire celle de Sa'd. Dès que le prophète, alayhi salatu wa salam, atteignit le fond de la vallée, Ali ibn Abi Talib partit remplir son bouclier en cuir avec l'eau d'Al-Mihras. Al-Mihras désigne un rocher creux contenant beaucoup d'eau ou bien une source se trouvant dans la montagne d'Uhud. Ali apporta cette eau à boire au prophète alayhi salatu wassalam qui, trouvant qu'elle sentait mauvais, refusa de la boire et se contenta de laver son visage taché de sang ainsi que ses cheveux en disant « La colère d'Allah est terrible à l'encontre de ceux qui ont fait couler le sang du visage de son messager. » Sahl a dit « Par Allah, je sais qui a lavé la blessure du messager alayhi salatu wassalam, qui a versé de l'eau pour lui et avec quoi on l'a pansé. C'est sa fille Fatima qui l'a lavé. » Tandis que Ali versait de l'eau avec son bouclier, quand Fatima se rendit compte que l'eau ne faisait qu'accroître l'écoulement du sang, elle prit un morceau de natte, elle le brûla un peu et en appliqua les cendres sur la blessure si bien que le sang s'arrêta de couler. Muhammad ibn Maslama lui apporta de l'eau fraîche à boire. Le prophète alayhi salatu wassalam but et supplia Allah de lui accorder de bonnes choses. En raison de la profondeur de ses blessures, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conduisit la prière commune en position assise et ses compagnons firent de même. Lorsque les préparatifs de départ des idolâtres arrivèrent à leur fin, Abu Sofyan se rendit en haut de la montagne et s'écria « Muhammad est-il parmi vous ?» Il ne reçut aucune réponse de la part des musulmans. Puis il demanda « Ibn Abi Quhafa, c'est-à-dire Abu Bakr, est-il parmi vous ?» Les croyants ne répondirent pas non plus. Il demanda alors « Omar ibn al-Khattab est-il parmi vous ?» Mais il n'obtint aucune réponse. Ce silence avait été ordonné aux musulmans par le prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y eut pas d'autres questions de la part d'Abu Sufyan, notamment parce qu'il savait fort bien que l'établissement de l'islam reposait très largement sur ces trois hommes. Abu Sufyan dit ensuite « Ceux-là sont morts !» Omar ne put alors se contenir et il s'écria « Ô ennemi d'Allah !» Je te dis que ceux que tu as mentionnés sont encore vivants, Allah a préservé l'existence de la source de ton affliction. » Abu Sufyan dit alors, « Les cadavres de certains d'entre vos morts ont été mutilés. Sachez que je n'ai pas ordonné de tels actes, mais cela ne m'a pas déplu. » Puis il cria, « Hubal, une idole, est la plus grande. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment aux autres musulmans, « Pourquoi ne répondez-vous pas ?»« Que devons-nous dire ?» demandèrent-ils. Il dit, « Dites, Allah est plus haut et plus majestueux. » Abu Sufyan renchérit sur ses dernières paroles et dit, « Nous avons Uzza, une idole, mais vous n'avez aucune Uzza. » « Pourquoi ne répondez-vous pas ?» dit le prophète alayhi salatu wassalam. « Que devons-nous répondre ?» demandèrent de nouveau les musulmans. Il dit, « Dites, Allah est notre protecteur, mais vous, vous n'avez aucun protecteur. » Abu Sufyan répliqua, « Nous avons combattu avec zèle. Aujourd'hui, ce fut une vengeance du jour de Badr. La guerre réserve des sorts très divers. » La réponse de Omar fut « Non, les deux issues ne sont pas semblables, car nos morts sont au paradis, tandis que les vôtres sont en enfer. » Finalement, Abu Sufyan dit « Viens ici, Omar. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda alors à Omar d'aller voir ce qu'il voulait. Ce que Omar fit. Abu Sufyan lui demanda « Je t'implore au nom d'Allah de me dire la vérité. « Avons-nous tué Muhammad ?»« Par Allah, non. Il écoute en ce moment tes paroles. » Il dit, « Pour moi, tu es plus véridique et meilleur qu'Ibn Qamira. » Ibn Ishaq a dit, « Quand Abu Sufyan et ses hommes furent sur le point de repartir, celui-ci s'écria, « Nous nous rencontrerons à Badr l'année prochaine. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à l'un de ses soldats et dit, « Réponds-lui, « Oui, et c'est un rendez-vous pour chacun d'entre nous. » Plus tard, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dépêcha Ali ibn Abi Talib afin d'observer les Quraishites. Il lui dit, « Lance-toi sur leurs traces et regarde bien ce qu'ils font, et essaye de connaître leurs intentions. S'ils prennent leurs chameaux, cela signifie qu'ils se dirigent vers la Mecque. Mais s'ils sont à cheval, délaissant leurs chameaux, c'est qu'ils veulent aller vers Médine. Par celui entre les mains de qui se trouve mon âme, s'ils attaquent Médine, je marcherai à leur rencontre et les combattrai. » Ali rapporta, « Je les ai suivis et j'ai vu qu'ils étaient montés à dos de chameaux et que leurs chevaux étaient laissés à l'écart. Ils se dirigeaient donc vers la Mecque. » Après les départs des Quraishites, les musulmans allèrent identifier les tués et les blessés. Zayd ibn Thabit a dit « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'envoya le jour d'Uhud afin de rechercher Sa'd ibn Rabi' en me disant « Quand tu le retrouveras, dis-lui que la paix soit sur toi de la part du prophète. » Et également, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, demande comment tu te sens. Zayd a dit « Je me suis mis à parcourir le lieu des combats, cherchant parmi les morts, jusqu'à ce que je vis Sa'd agonisant, son corps criblé de plus de 70 coups d'épée, de lances ou de flèches. Alors je lui dis « Ô Sa'd, le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, t'envoie ses salutations et demande dans quel état tu te trouves. » Sa'd répondit « Et que la paix soit également sur le messager d'Allah, dis-lui que je sens le parfum du paradis et dis à mon peuple et les Ansar, vous n'aurez pas d'excuse devant Allah si quelque mal touche le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, alors que vos yeux clignent toujours, c'est-à-dire alors que vous êtes encore vivant. » Puis il mourut. Les musulmans virent Al-Usayrim, de son vrai nom, Amr ibn Thabit, qu'ils avaient par le passé exhorté à devenir musulmans, mais qui avait refusé. Il était parmi les blessés, agonisant. Ils dirent « Pourquoi es-tu venu à Uhud ? Est-ce par zèle pour défendre ton peuple ou désir de l'islam ?» Il leur dit « C'est par inclination pour l'islam. Je crois en Allah et en son messager. J'ai combattu aux côtés du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à me trouver dans l'état dans lequel vous me voyez. » Il rendit alors l'âme après ces paroles. Ils rapportèrent ses propos au prophète, alayhi salatu wa sallam, qui leur dit « Il fait partie des habitants du paradis. » Il n'avait pourtant jamais effectué une seule prière, comme l'a rapporté Abu Huraira. Qazman, qui se trouvait dans le groupe des blessés, avait combattu héroïquement et avait tué 7 ou 8 idolâtres. Comme il avait été très affaibli par ses blessures, ils l'emmenèrent en le portant jusqu'aux habitations des Banu Zafar et lui apprirent la bonne nouvelle, le paradis. Mais il dit « Par Allah, je n'ai combattu que pour la noblesse de mon peuple. N'était-ce motif, je n'aurais jamais participé à cette bataille. » Quand ses blessures s'aggravèrent, il se suicida. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait déjà, durant la bataille d'Uhud, dit à son propos « Il ira en enfer ». Telle est la destinée de ceux qui luttent pour des motifs nationalistes ou pour tout autre motif autre que celui d'assurer la suprématie de la parole d'Allah, quand bien même ils combattraient sous la bannière de l'islam, voire aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Un juif d'Ebanu Tha'laba figurait parmi les morts de l'armée musulmane. Il avait dit à son peuple avant la bataille « Ô peuple des juifs, par Allah vous savez bien qu'il est impératif pour nous de soutenir Muhammad. » Il lui fut répondu « Aujourd'hui est samedi, le jour du sabbat. » Il dit « En cette circonstance, ce motif ne convient pas. » Il avait alors pris ses armes et s'était écrié « Si je suis tué, confiez mes biens à Muhammad. » Puis le lendemain matin, il combattit jusqu'à être tué. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui « Mukhayriq est le meilleur des juifs. » L'enterrement des martyrs. Surplombant les martyrs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Je suis le témoin de ceci. Il n'y a point de blessé dans la voie d'Allah qui ne sera au jour de la résurrection ressuscité par Allah, la blessure ravivée ayant le teint de la couleur du sang et le parfum du musc. » Certains compagnons ramenèrent à Médine leurs morts, mais le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam ordonna qu'ils soient enterrés là où ils avaient été tués. Il commanda de plus qu'ils ne soient pas lavés, mais inhumés tels qu'ils étaient une fois leurs cottes de mailles et leurs vêtements de cuir retirés. Il fit regrouper les martyrs de façon qu'il y ait 2 ou 3 corps dans chaque tombe, avec même un seul linceul pour 2, en demandant à chaque fois lequel connaissait le plus de Coran, et le plus savant d'entre eux était alors porté en terre en premier. Il disait également « Je serai le témoin de ceux-ci au jour de la résurrection ». Il fit enterrer Abdullah ibn Amr ibn Haram et Amr ibn al-Jamur dans la même tombe, du fait de l'affection qu'ils se portaient mutuellement. Les combattants musulmans ne virent pas Hanzala, mais ils finirent par le trouver. Il était non loin de là et de l'eau suintait de son corps. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons que les anges étaient en train de le laver et il ajouta ceci, interroger sa femme sur son affaire. Ce qu'ils firent, et elle confirma qu'il se trouvait en état d'impureté rituelle au moment du combat. C'est pourquoi Hanzala fut surnommé « Ra'asilul Malaika ». c'est-à-dire celui qui a été lavé par les anges. Lorsque le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, vit à quel point son oncle et frère de lait Hamza avaient été mutilés, il fut extrêmement choqué. Quand sa tante Safiya vint pour voir son frère Hamza, le prophète, alayhi salatu wassalam, ordonna à son fils Az-Zubayr de la raccompagner afin qu'elle ne voie pas ce qui lui était arrivé. Mais elle refusa en disant « Pourquoi devrais-je repartir? Je sais déjà qu'ils l'ont mutilé. Mais puisqu'il a subi cela dans la voie d'Allah, cela ne m'attriste pas. J'espère en la récompense d'Allah et je me montrerai patiente si Allah le veut. » Elle s'approcha, le regarda et invoqua Allah pour lui, puis elle dit « À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. » Elle implora le pardon d'Allah. Puis le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonna que Hamza soit enterré avec Abdullah ibn Jahsh, qui était son neveu et frère de lait. Ibn Mas'ud a dit « Nous n'avons jamais vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pleurer autant qu'il le fit ce jour-là pour Hamza ibn Abdul Muttalib. Il assista à sa mise en terre et il éclata en sanglots. » La vision de tous ces martyrs était réellement pénible et fendait le cœur. Décrivant l'enterrement de Hamza, Khabbab a dit « Aucun linceul ne fut assez long pour Hamza à l'exception d'un manteau cendré. Lorsqu'on lui en couvrit la tête, il se trouva être trop court pour recouvrir ses pieds. De même, si l'on essayait de couvrir ses pieds, la tête ne pouvait être dissimulée. Finalement, on lui couvrit la tête et on plaça un jonc aromatique appelé al-Izkir sur ses pieds. » Abdurrahman ibn Auf a rapporté « Mus'ab ibn Umair, qui était meilleur que moi, trouva la mort à Uhud. On l'enveloppa dans un manteau. Lorsqu'on couvrait sa tête, ses pieds restaient découverts, et quand on couvrait ses pieds, sa tête demeurait nue. » La même chose est rapportée par Al-Bukhari d'après Khabbab. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit alors « Couvrez-en sa tête et mettez de l'ithkir sur ses pieds. » L'imam Ahmed a rapporté que le jour d'Uhud, alors que les idolâtres venaient de se retirer, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, dit « Alignez-vous, afin que je rende grâce à mon Seigneur, le plus grand et le tout-puissant. » Ils se placèrent derrière lui et formèrent des rangs. Puis il dit « Ô mon Dieu, à toi vont toutes nos louanges. Nul ne peut retenir ce que tu décrètes, ni décréter ce que tu retiens. Nul ne peut guider celui que tu égares, ni égarer celui que tu guides. Nul ne peut donner ce que tu retiens, ni faire obstacle à ce que tu donnes. Nul ne peut rapprocher ce que tu veux être lointain, ni éloigner ce que tu décrètes comme devant être proche. Ô mon Dieu, étends sur nous tous tes bénédictions, ta miséricorde, ta grâce et tes bienfaits. Ô mon Dieu, je t'implore pour que tu m'accordes une bénédiction continuelle qui jamais ne disparaît. Ô mon Dieu, je ne recherche que ton secours dans les épreuves. Je me réfugie en toi seul lors des moments de frayeur. Ô mon Dieu, toi seul j'invoque pour que tu nous protèges des maux qui pourraient provenir des biens que tu nous accordes, comme des maux pouvant provenir de ce que tu ne nous as pas donné. Ô mon Dieu, fais-nous aimer la foi, et rends-nous-la agréable et désirée. Rends-nous détestable la mécréance, la perversion et la désobéissance. Place-nous parmi les bien guidés. Ô mon Dieu, fais-nous vivre en musulmans et mourir en musulmans. Fais-nous rejoindre les rangs des vertueux sans nous couvrir d'ignominie et sans nous soumettre à la fitna, à la tentation. Ô mon Dieu, maudis les incroyants qui traitent de menteurs tes messagers et qui dévient les gens de ta noble voix. Que ta colère, ton châtiment et ton hostilité les frappent. Ô mon Dieu, maudis les négateurs à qui tu as donné le livre. Allah, tu es source de toute vérité. »